Section 9 de L'élève Gilles d'André Lafont. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johan. Quatrième partie. 4. Les jours vinrent à moi de nouveau paisibles et purs. Leur cours semblait celui d'une eau tranquille où le ciel se reflète complaisamment. Je ne savais que les regarder s'épandre sur la maison et le jardin. Je traînais le matin un fauteuil d'osier sous les arbres et j'y demeurais, un livre inutile sur les genoux, les yeux mi-clos, le regard vide, heureux de la fraîcheur de l'air sur mes bras nus dans une blouse de toile. Je ne laissais mon rêve que pour me déplacer avec l'ombre et me rendre à l'appel de seconde lorsque le déjeuner était servi. Des noms d'élèves vivaient encore en moi. Il suffisait que ma somnolence devînt plus forte pour qu'ils montassent à mes lèvres et que je fusse agité de leurs souvenirs. Mes yeux s'ouvraient alors subitement, je me dressais comme pris en faute et retombais, souriant de revoir autour de moi le décor familier. Les poules caquetaient dans le silence, la feuillée bruissait comme une mer lointaine, sur les coteaux, au soleil, dormaient les belles couleuvres que sont les routes tachées d'ombre. Le calme de l'heure m'apaisait. Mon père se montrait peu. Il sortait de grand matin dans la campagne et sommeillait durant le jour. Il travaillait fort longtemps chaque soir à un ouvrage de composition musicale qui le prenait tout entier. Mes nuits étaient sereines. Seconde, qui occupait la mansarde au-dessus de ma chambre, s'inquiéta d'abord de m'entendre me débattre, appeler des camarades et parler haut dans mon sommeil. Mais, peu à peu, les mauvais songes me laissèrent et je tombais dans un grand oubli des derniers jours. Je ne fermais pas la fenêtre pour m'endormir en regardant les étoiles. L'air qui entrait sentait le foin. Le chant des grillons vibrait à l'infini et, par instant, se détachait la note flûtée des crapauds d'été. Je m'éveillais aux fraîcheurs de l'aube, toute pépiante d'oiseaux. Par sa présence, ma mère, toute soucieuse qu'elle fût, me donnait le bonheur. Dès le matin, je la rejoignais au jardin où elle s'installait à broder en robe claire. Près d'elle, je goûtais l'oubli de toutes les atteintes. Je trouvais le calme à son côté, la fraîcheur dans son ombre. Et quand tout ce qui peut menacer un enfant se fut rué dans l'enclos, je n'en aurais conçu aucun trouble en mon âme, dans l'assurance où j'étais que toutes les puissances mauvaises n'eussent pu dépasser le cercle tracé par son regard. Assis près d'elle, sur une chaise basse ou par terre, quelquefois, je contemplais son profil attentif. Le geste dont elle piquait l'aiguille dans la toile tendue. Ses manches s'arrêtaient au coude par un volant que le bras levé faisait onduler. Si une feuille détachée des marronniers se posait en main ouverte sur son ouvrage, elle l'enlevait doucement et son regard, détourné de la besogne, me souriait. Elle me demandait de lui lire quelques passages de mon livre de prix où étaient les pages choisies des mille et une nuits. Elle s'intéressait avec moi au voyage d'Aladin à travers les salles mystérieuses et les jardins aux fruits de cristal, au défilé des esclaves de la lampe ou des serviteurs de l'anneau, à la surprise heureuse de la pauvre mère devant les plats d'or servis aux souhaits de son fils. Je m'arrêtais pour commenter avec elle l'apparition des génies, la capture étrange du pêcheur, ou telle autre surprenante aventure de poissons parlants ou de princes enchantés au fond de palais solitaires. Mes doigts se collaient à la couverture peinte d'où je les retirais fardés du rouge qu'ils y avaient pris, et ma mère me recommandait de les éloigner de son ouvrage. Ma tante ne nous rejoignait guère que l'après-midi, sa matinée s'employant aux soins des comptes et du ménage. Le déjeuner terminé, elle se tenait près de nous, occupée à sa couture, et nous nous taisions sans être gênés de n'entendre que le crissement d'une aiguille sur le dé. Je regardais passer les nuages. Ils me paraissaient tantôt des chars glissant avec douceur, tantôt des animaux ou des figures nues qui s'étiraient dans l'azur. Le soir nous retrouvait sous la charmille ou tout au fond du potager frais arrosé et qu'un air moins tiède éventait. Les étoiles brillaient au-dessus de nous. Quand l'une d'elles, se détachant, rayait la voûte bleue, ma tante se signait en disant qu'une âme libérée du purgatoire retournait à Dieu. On entendait des voix dans les champs ou sur la route, et les arbres formaient sur le jardin une ombre si confuse que j'aurais eu peur de le traverser, seul. Il y eut, cette année-là, des chaleurs telles que je ne me rappelle pas en avoir subi de semblables. Les après-midi devenus torrides nous firent chercher refuge au salon, dans le demi-jour des persiennes jointes. Mais la température y était encore étouffante, et c'est à l'entrée du couloir que nous finîmes par nous établir. La porte ouverte sur le jardin était tendue d'un store en paille, à travers quoi les arbres m'apparaissaient éloignés, vaporeux, ainsi qu'un mirage. Une incessante menace était dans l'air. Elle me faisait sans force, accablée du poids de mes membres, et j'en souffrais d'autant plus que ma mère nous laissait alors pour se rendre près de mon père, que cet état de l'atmosphère indisposait. Nous en étions quittes, parfois, pour de sourds roulements dans le ciel obscurci. Mais des orages éclatèrent à plusieurs reprises et nous causèrent de réelles frayeurs. L'un d'eux atteignit une grande violence. Toute la matinée avait été lourde, mais ce fut seulement vers 4 heures que la tempête se déchaîna. Un subit crépuscule s'abattit sur la campagne et la foudre déchira la nue, suivie d'immédiates détonations. Nous nous hâtâmes de gagner l'intérieur et de clore la maison. Ma tante aurait même voulu tirer les volets de la petite salle. La peur de faire entrer l'orage la retint, elle se contenta de tourner son fauteuil vers la cheminée et de se couvrir la face en se signant à chaque éclair. Mon père ayant par hasard souhaité demeurer seul, ma mère continuait de travailler près de nous avec un visage placide qui éloignait un peu la crainte de mon cœur. Mais Segonde, assise au foyer, tenait son chapelet et récitait pour chaque grain une sorte de prière rimée que je savais aussi et répétais en moi-même avec elle. « Sainte Barbe, Sainte Fleur, par la croix de notre Seigneur, si l'orage tombe sur nous, Sainte Barbe, protégez-nous. »« Les marins sur la mer, » dit ma tante. Une tragique lueur nous venait par la fenêtre où le ciel chargé se montrait béant d'une plaie jaune. À cette clarté, ma mère était blême autant que le linge qu'elle ourlait. La figure de ma tante devenait de cire. Segonde, les yeux clos, offrait une face aveugle sculptée dans du bois. La foudre continuait de luire et de frapper, et je pensais aux jours terribles où la justice de Dieu passait sur les villes maudites, en pluie de soufre et de feu. Longtemps, éclairs et roulements se succédèrent. Ma mère priait à son tour, et je m'étais blotti près d'elle pour cacher mon visage entre ses mains, sur ses genoux. Enfin, la pluie commença de tomber, lourde, serrée, en un ruissellement de cataracte. Une heure durant, elle mit son voile derrière les vitres, et son bruit de déluge autour de nous. Mais la fraîcheur vint avec elle. La fenêtre fut rouverte pour le dîner. Les massifs exhalaient leur arôme. Le ciel s'éclairait. Tout respirait la délivrance et le confiant abandon. Mon père ne put travailler et vint s'asseoir avec nous au seuil du jardin humide, où les allées se creusaient en ruisseaux. Le ciel était pâle encore, mais l'épaisseur des feuillages faisait la nuit devant nous. Nos regards se perdaient sous eux comme dans un temple où s'indiquait à peine la colonnade des troncs. Toute une vie se devinait parmi les branches, à 1000 froissements secrets. Les feuilles couchées par l'averse se relevaient et laissaient choir les gouttes pendantes à leur extrémité. Des oiseaux muets s'ébrouaient et lissaient leurs plumes. Les limaces devaient glisser, les escargots monter aux tiges et se nourrir goulûment. Une chauve-souris circulait et l'on entendait jouer ses ailes. Les tilleuls, les marronniers ronds, de hauteur égale, formaient une masse que dominait l'antenne oscillante d'un peuplier carolin. Je faisais de celui-ci le berger du troupeau paisible, le guetteur en correspondance avec l'horizon lointain, les régions hautes où passaient les brises, les étoiles qui, dans le ciel lavé, brillaient plus vivement. Il semblait moins que les autres arbres tenir à la terre et frémissait avant eux à l'approche de l'ombre, de la pluie ou des vents. Les autres n'étaient à ses pieds qu'une foule attentive qui, lorsque son alarme la troublait, commentait en l'amplifiant la nouvelle reçue du danger. L'espace libre sur nos têtes laissait voir Véga, les deux chariots, la polaire, Cassiopée et les autres signes étranges du ciel. Nous eûmes une grande abondance de fruits dont, à chaque repas, s'orna notre table. Les prunes tombaient sur le sol du verger et leur pulpe, où je mordais, était chaude dans le jour et glacée et plus douce, il semblait, au matin. Les fourmis les mangeaient jusque sur l'arbre. Bientôt, les filles de Gentil les vinrent toutes cueillir en de rondes corbeilles qu'elles emportèrent à deux, un bras pendant, la démarche alourdie. La récolte fut vendue au marché, mais Segonde avait prélevé sa dîme, et l'odeur des confitures enveloppa mon réveil un matin. Il y eut aussi des abricots, couleur de rose, et piqués de feu, et des pêches que ma tante cueillait avant leur maturité dernière, pour les ranger sur la desserte de la salle à manger, déjà pleine de leur parfum. Elle mettait pour le repas les plus mûres dans une coupe à jour, garnie de feuilles de vigne ou de figuier, et mes doigts au dessert s'y glissaient avec délice. Nous n'allions plus en ville le dimanche. C'est au village voisin que nous nous rendions à pied pour entendre la messe. Nous rentrions ensuite et ne quittions plus la maison. Pour distraire ses mains oisives, ma mère faisait des bouquets ou coupait sur les rosiers les fleurs fanées. Ma tante lisait les vêpres et je prenais le missel après elle pour y chercher la suite des évangiles que j'aimais feuilleter. Il m'ouvrait un pays heureux aux lignes simples, où des lacs poissonneux reflétaient de calmes montagnes, où j'aurais voulu vivre parmi les apôtres et les saintes femmes, au visage de qui je prêtais des traits familiers. Marthe, secourable et préoccupée, revêtait l'apparence de seconde. Je la voyais chez Lazare, préparant le repas, et s'inquiétant de n'être pas aidée, ou courant implorer Jésus à la mort de son frère, et ne pouvant taire ses doutes quand le maître lui dit « Ton frère ressuscitera ». Je donnais à la Sainte Vierge le front pur, le regard pensif, les lèvres closes de ma mère. Ma tante devenait Véronique à cause de son veuvage, et pour le bonheur que j'avais eu un jour à ce qu'elle lava ma face suante. Pour Marie, sœur de Marthe et de Lazare, que je voyais assise aux pieds de Jésus, je ne la pouvais imaginer plus rêveuse et plus douce que Daunis ne m'était apparue. Et c'est Charlot que je reconnaissais dans la foule confiante qui suivait le Seigneur, vivait de sa parole, se nourrissait des pains multipliés, et fut allé à lui en marchant sur les flots. Je plaçais ainsi d'autres visages sur celui des personnages du grand drame chrétien, et mes camarades me servaient encore, suivant leur caractère, pour animer chaque scène. Il n'y avait qu'un passage que j'évitais de relire, celui où Saint-Pierre, interrogé sur son maître, le renonce devant des servantes. Il me forçait trop à me rappeler que j'avais aussi abandonné mon ami. Je lisais encore les paroles des psaumes, mais elles me semblaient obscures et m'inspiraient une crainte que je ne tentais pas d'expliquer. Souvent, au milieu de ma lecture, arrivait Mademoiselle Aurélie ou quelque autre amie de ma tante qui nous rendait à son tour nos visites de l'hiver. Elle se montrait bienveillante pour moi, me tapotait la joue et se plaisait encore à constater ma ressemblance avec ma mère. Elle goûtait l'ombre et le calme de notre retraite. Le soir venait, cependant, qu'elle rapportait les petites histoires de la ville ou les paroles du sermon. Ma mère leur cueillait des fleurs. On les eût priées à dîner sans l'irritation que risquait de causer à mon père leur présence à notre table. Elle semblait comprendre l'embarras où nous étions de les retenir et nous laissait de bonne heure, trouvant elle-même un prétexte à leur départ. La table était alors dressée dehors et j'aimais ses repas sous les arbres tandis que mourait le jour. Mon père se retirait tôt pour travailler chez lui, ma tante et ma mère demeuraient perdues dans leurs pensées ou parfois les échangeaient au sujet des événements de la journée. Le reflet des flambeaux animait leurs visages, un peuple inconnu d'insectes entourait la flamme et s'y brûlait les ailes. J'écoutais leurs bourdonnements d'agonie sur la nappe. Le jardin noir se resserrait autour de nous. Vers la fin d'août, mon père se reprit à sortir dès l'aurore et encore le soir. Il nous laissait même avant le dîner. Notre réunion à table paraissait lui devenir pénible. Il mangeait peu, très vite et, souvent, repoussant son assiette dès le milieu du repas, s'accoudait et posait dans ses mains un front qui semblait lourd. Nous tombions de nous-mêmes dans le silence et, s'il m'arrivait de désirer quelque chose, je ne le savais plus demander qu'à mi-voix et comme si j'eusse craint de troubler un sommeil. Plus que jamais, je me gardais de toute maladresse, et l'instant où mon père se levait pour remonter chez lui marquait vraiment celui de ma délivrance. Ma tante et ma mère laissaient alors leurs yeux se parler sans contrainte, et, à l'issue de ce colloque, le regard de ma mère s'arrêtait si fixement devant elle que des larmes ne tardaient point à le faire briller. Je me couchais sans revoir mon père, qui avait dormi pendant les heures chaudes du jour. Vers le milieu de la nuit, le piano qu'il ouvrait pour des heures m'apprenait son retour. Ce ne fut d'abord que la secrète pénétration de mon rêve par l'harmonie qui me berçait, enveloppait mon esprit et le guidait au songe. mais, en peu de temps, ceux-ci me laissèrent dès l'appel des préludes, et du fond de mes rêves, je remontais chaque nuit avec le sentiment d'aborder une rive heureuse, à mesure que je reprenais mes sens. Je me plus, les premières fois, à laisser la musique venir jusqu'à moi, mêlée au vent doux, au cœur d'insectes, au bruit de feuilles, puis peu à peu, j'allais vers elle, et quittant mon lit, je m'accoudais à la fenêtre et demeurais à l'ouïr. C'était en général de longues sonates, où le thème initial était repris, commenté, magnifié, en des accords qui s'élevaient comme une floraison nombreuse, des chants passionnés évoquant la forêt sous l'orage, de larges discours apaisés qui étendaient devant mes yeux un lac où dormait la lune. Bientôt leur succédait un air à la fois vif et triste qui, sans cesse brisé, semblait renaître et ne s'achevait jamais. Mon père, apparemment, devait s'y complaire ou ne finissait pas de se le répéter. Mon attention, que la variété des chants ne soutenait plus, cédait alors à la somnolence et ne continuait qu'à demi de suivre l'harmonieuse plainte. Et je croyais voir, de mon corps alangui, s'élancer un être imaginaire et fait à ma ressemblance, qui se tenait devant moi dans l'azur épais de la nuit. Je m'éveillais tout frissonnant, à l'aube humide, les oiseaux s'ébrouaient à peine, je me jetais sur mon lit en grelottant, et ce fut une fois ma mère qui vint, fort avant dans la matinée, me tirer d'un sommeil prolongé qui l'inquiétait. Un jour que je poussais à cloche-pied un caillou dans l'allée menant à la charmille, je m'arrêtai à l'entrée de celle-ci, surpris de voir sur un banc, et le front dans ses mains, mon père, que je croyais chez lui. Mon premier mouvement fut de fuir, je le réprimai et m'avançai jusqu'au banc à l'extrémité duquel je m'assis. Mon père ne semblait pas se douter de ma présence. Je remarquai sur le sable, devant lui, une portée et quelques notes placées sur celle-ci. La baguette avec laquelle il les avait tracées reposait sur ses genoux. Je ne savais si je devais partir ou rester. Soudain, sans relever la tête, mon père m'ordonna de le laisser. L'émotion me clouait sur place, et je ne pus faire un pas malgré le grand désir que j'avais de m'échapper. La baguette craqua dans ses doigts crispés, et de nouveau, sa voix s'éleva dans une imploration si douce que, retrouvant mes forces, je me levai. J'allai posément jusqu'à la porte de feuillage. À peine l'eus-je passé qu'une folle terreur me força de courir. Je franchis le jardin en sautant les massifs et m'abattis dans la cuisine où Segonde effarée me releva. Je lui parus si pâle qu'elle sortit, me croyant poursuivie. Puis elle revint s'enquérir de la cause d'un si profond effroi. Je ne sus que lui répondre et me réfugiai dans la petite salle où mon tremblement s'apaisa. Pendant la nuit qui suivit, la musique que j'écoutais encore s'arrêta brusquement et un bruit de voix me parvint. Ma mère était entrée dans le salon. Je ne distinguais pas ses paroles, mais leur ton était celui de la prière. Elle parla seule, par période, longtemps, sans que rien lui répondît qu'une note unique, toujours la même, frappée à la basse du piano. Enfin, je crus entendre mon père prononcer une phrase brève, et ce furent un rire amer et des sanglots qui se perdirent dans une improvisation tumultueuse, si longuement soutenue et reprise que je m'endormis sans qu'elle se fût éteinte, en rêvant qu'un vol d'oiseaux en fureur saccageait les massifs de l'enclos. L'août passa comme un songe lumineux et paisible, et le tendre septembre occupa la campagne. Il offrait tous les fruits et des fleurs encore pour faire oublier sa naissante mélancolie. Mais les soirs déjà courts, les matinées plus fraîches, je ne sais quoi d'automnal dans le ciel, l'air, les présents même qu'il apportait, disaient la secrète blessure de l'année. Et la moitié de mes vacances s'achevait. Les jours qui me séparaient de la rentrée allaient tomber, un à un, tels des défenseurs inutiles. Octobre viendrait les couvrir de ses feuilles et me reprendre à la grangère, que je m'attristais déjà de quitter. Les raisins gonflés de la treille attiraient les guêpes, qui s'y engluaient avidement, et mettaient à notre porte une couronne bourdonnante dont j'étais apeuré. Les vignes s'alourdissaient par le bas, et les grappes bleues écartaient les feuilles, ainsi que les poussins que leur mère ne peut plus dérober sous ses ailes. On préparait les vaisseaux vinaires. Le réfectoire des vendangeurs, frais lavé, prenait l'air. On restaurait le pressoir, et le cuvier ouvert répandait dans la cour sa senteur aigre. Derrière la maison, les rosiers recommençaient de fleurir. leurs roses moins légères que celles de mai ployaient les tiges comme des fruits dont elles prenaient la couleur. Des cétoines dormaient au cœur de certaines et remuaient de lentes pattes qui froissaient le nid soyeux. Elles naissaient à profusion et leur parfum stagnait sur l'allée au long de laquelle elles s'ouvraient. Elles avaient des noms étranges qui ne leur convenaient point, mais qui faisaient d'elles des personnes dont on s'entretenait. Segonde s'extasiait sur l'abondance de la gloire de Dijon, parlait de Madame Bérard comme d'une amie, et encore du maréchal Niel. Une seule, la France, qui était rose, me semblait bien nommée. Et j'aimais aussi le souvenir de la Malmaison. On désignait un peu les roses du Bengale qui, dès midi, laissaient choir sur la haie leurs corolles simples, décloses du matin. Les roses mousses semblaient au contraire ne pouvoir écarter les vertes côtes des sépales et sentaient fort sans s'épanouir. On les laissait se faner sur leurs tiges, on coupait de préférence les fleurs de quelques rosiers blancs touffus de feuillage. Ma tante en envoyait chaque semaine au cimetière où reposait, outre son mari, la fille morte jeune qu'elle avait si longtemps pleurée. Ma mère m'avait parlé de cette cousine, aux noces et à l'enterrement de laquelle elle se rappelait, tout enfant, avoir assisté. Je savais que sa chambre, non loin de la mienne, demeurait intacte. Un jour, j'y étais entrée parce que la porte en était ouverte et que ma tante s'y trouvait. Un après-midi, ma tante m'y emmena de nouveau pour que je fisse choix d'un livre durant qu'elle époustait. Les branches d'un catalpa s'appuyaient aux persiennes mi-closes, par où filtrait un jour vert. Il y avait un prie-dieu de velours devant un bénitier, près du lit. Une couronne de mariée sous globe ornait la cheminée. Au mur pâlissait la photographie d'un groupe de jeunes filles en résille et qui souriaient. Je sus parmi elles retrouver ma cousine. Son visage long s'offrait de trois quarts avec un regard droit qui en accusait l'expression d'inquiétude. Ma tante trouvait que j'avais dans les yeux quelque chose de sa fille et me le répéta en passant un linge sur le cadre. Au-dessus de la commode, une étagère vitrée contenait quelques livres dont je déchiffrais les titres dédorés. C'était pour la plupart de pieux ouvrages tels que Le Froment des élus. Il s'y ajoutait des romans de jeunes filles, Le Journal de Marguerite, Marguerite à 20 ans, et d'autres plus connus, Ivanhoé, Graziella, Les Martyrs. Ils me tentèrent moins qu'un fort volume de journaux reliés dont les images m'attirèrent et que je demandais d'emporter. Sous la couverture étaient des romances copiées à l'encre violette. Je reconnus leurs paroles que ma mère chantait quelquefois lorsque j'étais seule avec elle. Tout le long du ruisseau, Lucas marchait auprès de Rose. Et une autre encore que je préférais à celle-ci à cause du refrain. Attendez qu'ici-bas, leur beauté soit éclose, laissez mourir les roses, ne les effeuillez pas. Je montrai ces pages à ma tante qui sourit, acheva d'essuyer la cheminée, ferma la fenêtre et descendit avec moi. Je feuilletais le reste du jour le gros livre un peu piqué et qui sentait la moisissure. Il donnait des gravures de mode où les dames portaient de larges jupes et de petits chapeaux, des recettes, des modèles d'ouvrages, et encore un roman qu'il fallait suivre de semaine en semaine. Un rébus terminait chaque numéro. Je tâchais d'en deviner quelques-uns, mais je savais où trouver la réponse et n'avais plus la patience de chercher. Je découvris à la fin du volume, écrit plusieurs fois et souligné de paraphes variés, le prénom d'Odélie, qui était celui de ma cousine, suivi d'un nom de famille que je ne me rappelais pas avoir entendu prononcer. Je le montrai à ma tante, elle mit ses lunettes, se pencha sur la page et me dit doucement « Ce devait être à l'époque de son mariage. » Le soleil qui baissait éclairait le dessous des feuillages et l'ombre des troncs s'allongeait indéfiniment sur le sol. Un matin, j'aperçus une fillette dans la cour. J'appris qu'elle était la petite nièce de Gentil et de Maria, qui devait la garder quelques jours chez eux. On me défendait de jouer avec elle parce que son accent était mauvais, mais un après-midi, je la fis entrer au jardin. Elle portait un tablier à carreaux bleus, aux poches gonflées comme celles de Charlot. Ses cheveux courts étaient tirés devant par un peigne rond sur lequel ils se recourbaient. Son regard me surprit, et comme je la fixais, je m'aperçus qu'elle louchait. Elle s'appelait Zoé. Je m'enorgueillis de la promener dans mon domaine et lui offris quelques fleurs. Je lui montrai la vielleuse et la muse. Nous ne jouâmes pas, Elle me raconta beaucoup de choses sur ses parents qui habitaient à mi-route du chef-lieu dans une propriété plus belle que la grangère. Le lendemain, elle revint avec sa poupée qu'elle me présenta. Je trouvai celle-ci mal habillée et le dis à Zoé en lui désignant le haut de la robe qui se gonflait étrangement. La petite fille sourit et me demanda de deviner la cause de cette inélégance. J'allais dire ma pensée quand la malice que je vis dans les yeux bigles me retint. Je voulus que Zoé s'expliquât la première. Elle n'y daigna point consentir et nous décidâmes d'écrire chacun sur un morceau de papier ce que nous n'osions nous confier. Nous fîmes ainsi, puis échangeâmes nos billets. J'avais mis sur le mien un abcès. Je trouvai sur l'autre une montre. Mais un mot effacé au-dessous me révéla que ma voisine ne s'était point livrée, et le sourire qu'elle gardait me gêna. Nous ne nous vîmes pas de quelques jours, et je ne laissai pas de beaucoup penser à elle. Ses yeux déviés m'intriguaient. Je me demandais comment les choses venaient s'y peindre, et je m'essayais secrètement à me donner son regard. Seconde, qui me surprit, me gronda en m'assurant que je loucherais comme Zoé si je continuais à me moquer de celle-ci. Un après-midi, je la trouvai au jardin où elle était venue avec Gentil qui s'occupait du potager. Comme nous causions sur le banc, la tentation me vint de loucher encore, et j'y réussis si bien que je me tournai sur le champ vers la fillette pour la prendre à témoin de mon succès. Elle se leva et partit en pleurant. J'eus conscience de ma méchanceté involontaire et courus après Zoé pour la consoler. Je lui offris des fleurs, mon couteau, un livre, dans la crainte où j'étais qu'elle n'allât se plaindre à son oncle et que quelque chose n'en vint à la maison. Mais, à toutes mes propositions, elle secouait sa tête baissée et sanglotait plus fort en se frottant les yeux. J'étais à bout de promesses quand elle se mit à sourire et me dit « Je veux être ta bonne amie ». Malgré quelque embarras, je lui jurai qu'elle le serait en effet. Elle sécha ses larmes, prit mon bras et se fit promener autour des massifs dont il fallut que je lui nommasse toutes les fleurs. Elle allait en se dandinant et feignait de relever sa robe qui n'atteignait qu'à ses genoux. Cependant, elle voulait savoir si c'était ainsi que marchaient les grandes dames. Quelques instants après, comme nous étions assis de nouveau et ne parlions plus, à brûle-pourpoint, Zoé me demanda si j'avais vu des fous. Ses yeux, brusquement levés, me fixèrent et je sentis se dérober les miens. Toutefois, je fis signe que non avec ma tête et l'interrogeai à mon tour. Elle m'assura connaître une maison où il s'en trouvait un et prit un air de mystère quand je la priai de me désigner ce lieu. Puis, se levant, elle prétendit imiter une crise de folie et commença de sauter sur place, la bouche ouverte, les bras écartés en jetant des cris. Seconde, qui surprit ce jeu, se scandalisa de ses manières et m'appela pour le goûter. Elle me retint près d'elle en me reprochant ma désobéissance. Quand je pus sortir, Gentil et Zoé n'étaient plus au jardin. Je la revis deux fois encore. Elle savait mille jeux et trouvait moyen d'en inventer d'autres ou de les renouveler si bien qu'on ne se lassait pas de les recommencer selon sa fantaisie. J'étais devant une collection de cailloux, le joaillier dont elle marchandait les pierres précieuses, ou, dans les allées de l'enclos, le guide qui la menait à la découverte. Elle se plaisait en outre à me faire deviner, d'après ses seuls gestes, à quel métier se rapportait la besogne qu'elle paraissait accomplir. Mais à ces jeux-là, nous en préférions un autre, qui nous divertissait fort. Assis près d'elle sur le banc, je lançais au galop un attelage imaginaire que j'excitais de la voix et qui nous menait rapidement vers les plus lointaines contrées. Le voyage était plein de péripéties. Tantôt ma compagne se plaignait du soleil accablant, tantôt d'un vent terrible qui l'obligeait à maintenir son manteau et sa coiffure. C'était tour à tour le ralentissement de la montée, une épaisse forêt traversée, un homme que l'on rencontrait, puis le frisson de la descente qui renversait mon ami, les poings crispés au siège, la figure pleine d'effroi. Une fois, elle poussa des cris comme si nous versions et m'entraîna à terre avec elle. Elle s'étendit en m'apprenant qu'elle était évanouie et que je devais la secourir. Car je n'avais, disait-elle, pour mon compte, qu'une fracture sans importance. Je la traînai jusqu'à la charmille qui représentait l'auberge. Elle m'indiquait elle-même les soins à lui prodiguer et me demanda de l'eau d'une voix mourante. Comme j'en rapportais dans mes mains unies, je la vis qui s'enfuyait. Elle m'avertit, par de prétendus hennissements, qu'elle se dissimulait derrière les massifs, autour desquels je dus la poursuivre, car il lui plaisait d'être alors un de nos chevaux qui s'échappait. Son visage avait toute la mobilité de son humeur et j'en venais à l'aimer sans y prendre garde. Au plus fort de nos courses, elle s'arrêtait pour secouer sa tête décoiffée, tirait son peigne et le repoussait à fond dans la masse des cheveux. Quand nous causions, elle se montrait très vaniteuse et me parlait de somptueuses robes qu'elle possédait. Elle m'en faisait des descriptions extravagantes, l'or et les perles en formaient à l'entendre les plus communs ornements. À bout de paroles, elle avait, pour exprimer leur richesse, une façon singulière de mordre très bas sa lèvre inférieure et de me regarder de côté, avec son œil le meilleur, en hochant lentement la tête. Je me laissais convaincre et ne voulais plus que connaître tant de belles choses. Mais il se trouvait que ses parents n'avaient pu l'autoriser à s'en faire suivre, et c'était pourquoi je la voyais mal vêtue. Toutefois, elle promettait de revenir quelques jours me surprendre par l'étalage de ses splendeurs. L'heure sonna où elle dut songer à les rejoindre. Maria nous l'amena un matin pour qu'elle fît ses adieux. Elle avait laissé le tablier à carreaux et portait une robe verte, serrée d'un ruban noir. Une croix d'argent pendait à son cou. Je fus touché de la voir résignée à sa modeste parure. On tenta de provoquer son bavardage, mais elle ne se départit point d'une réserve décente qui me plut. Ma tante eut quelques menus objets à lui offrir et qu'elle voulut bien prendre. Mais elle remercia si mal que Maria, la trouvant sotte, parla de l'emmener. Je ne sais ce qui se passa en moi à l'idée que Zoé quittait la grangère. Les larmes emplirent mes yeux et je suppliais qu'on me laissât mon amie. Ma mère et ma tante rirent beaucoup d'une flamme si subite et Maria s'engossa tout haut. Ce furent bien d'autres éclats quand je protestais vouloir épouser Zoé et que je m'entêtais de la plus violente façon dans le projet que je venais de former. Cependant, elle ne paraissait nullement émue et fixait l'extrémité d'un de ses pieds dont elle grattait le parquet. Un peu de gêne lui venait seulement de voir se prolonger devant elle une discussion dont elle se savait l'objet. On me permit du moins de l'embrasser en m'assurant que ma demande serait examinée. Elle me tendit docilement la joue et sortit après une révérence sans que personne l'ait vue sourire. Un grand ennui me vint de son départ. Il m'arrivait le soir de penser avec terreur qu'un jour de moins me séparait de la rentrée, et, comme pour accroître mes regrets, les chaleurs revenues, en même temps qu'elles me rappelaient les beaux jours, faisaient moins désirable la reprise des études. Il me fallait terminer mes devoirs de vacances, dont ma mère m'avait seulement fait écrire quelques pages. Je dus m'y mettre avec courage, après chaque déjeuner, alors qu'elle montait près de mon père. Ma tante s'installait à coudre pour me surveiller, mais 2 heures ne sonnaient pas qu'elle ne fût endormie. Un léger ronflement m'en avertissait. Parmi le grand silence, à peine troublé, j'écoutais résonner des pas dans les chambres, le bruit sourd de paroles prononcées et que, parfois, coupait un grand soupir. Mais, peu à peu, je laissais m'accabler l'engourdissement de la sieste, et s'y mêler aux rêves commencés le tic-tac de l'horloge et le fredonnement d'une guêpe, entré par l'entrebâillement lumineux des volets. Fin de la section 9.